gens ils servent de toi puis ils délaissent comme ça. Derrière ça parle mal, devant ils font comme si. C'est le gros, t'es la mif, mais c'est des profiteurs. Ils baisseront la tête quand mes projets seront acquis. On refait pas le monde avec un 635. C'est pour moi ça marche, bah j'ai plus 35. La rue laisse béton, là je suis à fond dans la vie. Quand je repense au passé, c'est là que je deviens nostalgique. Parano, ça prend un vignon cul sec. Certains sont en jeu, qu'on va passer à 3-8. Je regrette des actions, mais rouille à aucune ex. Toute la plupart maintenant, je mets à sucer des bites. Faut être sérieux, maintenant faut faire des hits. Faut être sérieux, maintenant faut faire du chiffre. C'est pas pour faire pélo que je veux mettre des gifs. Mais ils sont à un stade où ça les paye en chiffres. Hasta la vista comme Schwarzenegger. C'est le phénoméno qui se bute pas à l'inter. Hiro des poudas, c'est tout toi qui maker. Même dans le noir complet, j'attends même pas qu'on m'éclaire. Je vais dire, foutez mes habits. Je vais être libre que ça s'arrête. Je veux que mes darons soient fiers de moi. C'est du haram, mais c'est mieux quand ça m'arrête. À ce qui paraît, dans la zone ça pue. J'ai conseillé mes potes, je les regarde, ces putes, t'es trop sucé, chut. À ce qui paraît, dans la jupe ça pue. Ça haouesse la mort, les microbes enfin par leur plus des chutes. Ça fait ratata, ça date pas d'hier. Ça quitte la dounia et sans prière. Pour sortir de là, faut faire plein d'efforts. C'est comme dire au juge qu'à bavé policière. Ça fait ratata, ça date pas d'hier. Ça quitte la dounia et sans prière. Pour sortir de là, faut faire plein d'efforts. C'est comme dire au juge qu'à bavé policière. Ils font les fous. Les stars, j'suis dans mon coin et j'calcule même pas des clochards. J'suis dans le zoo, il se fait traîner. J'rame ma tour et j'me roule un dernier pétard. Ils font les fous, ils font les stars. J'suis dans mon coin et j'calcule même pas des clochards. J'suis dans le zoo, il se fait traîner. J'rame ma tour et j'me roule un dernier pétard. Ils sont pleins de nananana, mais en somme après si si si. J'arrive là ta ta ta ta, c'est la meilleure cam et c'est bien servi. Gros autour de moi y'a des paresseux qui se transforment en parasites. Le buzz ça rend fou les gens, y'a les rats qui changent, j'en suis pas ravi. Pour ça que je suis niqué comme un DZ, que je pense comme tous mes gardèches. Que la Hollande a bon goût dans ma bouche, ou que la Colombienne met les gens à la dèche. La rue ça va vite, t'as le feu, m'allume pas les mèches. Ouais regarde Zepek, à la fin du film il se fait niquer par des mioches. Il crabe dans tous les cas devant encaisser. C'est ceux qu'on connaît pas qui veulent rabaisser. Trop loin pour eux, non c'est pas le même niveau. En pleine montée c'est là qu'ils veulent me la redresser. Il crabe dans tous les cas devant encaisser. C'est ceux qu'on connaît pas qui veulent rabaisser. Trop loin pour eux, non c'est pas le même niveau. En pleine montée c'est là qu'ils veulent me la redresser. Non je suis pas là pour longtemps. Vélo c'est chacun son camp. Ils sont jamais contents. Ils pissent contre le vent. Non, je suis pas là pour longtemps. Vélo, c'est chacun son camp. Ils sont jamais contents. Ils pissent contre le vent. Ils font les fous, ils font les stars. J'suis dans mon coin et j'calcule même pas des clochards. J'suis dans le zoo, il se fait très tard. J'rame ma tour et j'me roule un dernier pétard. Ils font les fous, ils font les stars. J'suis dans mon coin et j'calcule même pas des clochards. J'suis dans le zoo, il se fait très tard. J'rame ma tour et j'me roule un dernier pétard.